Chapitre 10. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres hommes et les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il leur dit, « Il y a une grande moisson, mais peu d'ouvriers pour la rentrée. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour rentrer sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures. Ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Quand vous entrerez dans une maison, dites d'abord « Paix à cette maison ». Si un homme de paix habite là, votre salut de paix reposera sur lui. Sinon, retirez votre salut de paix. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce que l'on vous y donnera, car l'ouvrier a droit à son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Quand vous entrerez dans une ville et que l'on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera. Guérissez les malades de cette ville et dites à ses habitants, « Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Mais quand vous entrerez dans une ville et que l'on ne vous recevra pas, sortez dans les rues et dites, « Nous secouons contre vous même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. » Pourtant, sachez bien ceci, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous le déclare, au jour du jugement, la punition sera moins dure pour Sodome que pour cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient assis, auraient revêtu des sacs et se seraient couverts de cendres pour montrer qu'ils voulaient changer de vie. C'est pourquoi, au jour du jugement, la punition sera moins dure pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'en enfer. Il dit encore à ses disciples, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent, « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur répondit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et dit, « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, il en est ainsi parce qu'il t'a plu de le vouloir. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. » Puis Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit à eux seuls, « Heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez. » Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Un maître de la loi intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» « Qu'est-il écrit dans notre loi ?» lui répliqua Jésus. « Comment la comprends-tu quand tu la lis ?» L'homme répondit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et encore, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi voulait se donner raison. Il demanda donc à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Lorsque des brigands l'attaquèrent, lui arrachèrent ses vêtements pour le voler, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, Il passa en se tenant de l'autre côté de la route. De même, un lévite arriva à cet endroit, s'avança, vit l'homme et passa en se tenant de l'autre côté de la route. Mais un Samaritain qui voyageait par ce même chemin arriva près de lui. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'approcha de lui, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit: « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta: « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?»« Celui qui a été bon pour lui, » répondit le maître de la loi. Jésus lui dit alors: « Va et fais de même. » Comme Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très occupée aux nombreux travaux du ménage. Elle survint et dit: « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit: « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. »